بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. On continue la lecture, le résumé de هذا الكتاب النفيس لطائف المعارف. اليوم نقرأ بإذن الله عز وجل وتوفيقه المجلس أو فيتو ما يتعلق نعم بالشهر ربيع الأول. والحافظ ابن رجب رحمه الله مؤلف الكتاب إلى سيتي دو بوان امبورتون في هذا الشهر وظائف شهر أو شهر ربيع الأول. إلى سيتي دو مجلس, المجلس الأول في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم, la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم un autre مجلس où il détaille encore plus. Et à la fin de ce chapitre, il a cité un deuxième point, c'est la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله خرج مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة. والحديث سيأتي معنا أنه نعم خرجه الإمام مسلم إلى صحيح لا شك, سيأتي معنا بعض المسائل بغبغة الحديث من كلام الحافظ رحمة الله عليه ابن رجب. قال أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فكالمجمع عليه بين العلماء. نعم, لأن الحديث واضح أيدي صحيح, فهذا بإجماع العلماء, لكن قوله فكالمجمع عليه كأنه ذكر شيء من الخلاف, لكن هذا الخلاف لا غير معتبر. On prend pas en compte la divergence quand cette divergence elle contredit un hadith clair. فلهذا بعض العلماء نقلوا الإجماع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi. ذلك يوم ولدت فيه. Quand ils ont demandé sur le jeûne du lundi, il les a informés, alayhi salatu wassalam, anna le lundi, c'est le jour où il est né, alayhi salatu wassalam. Il est né un lundi. Qala, wa qad qalahu ibn Abbas, wa ghayruh, wa qad hukiya an ba'dihim, anahu wulida yawm al-jumu'a, wa huwa qawlun saqit mardoud. Eh, n'am. Limaadha, l'annahu yukhalif al-dalil. Dalil, il est wadih, kashshams. Il est sahih muslim. Falihada, al-imam ابن رجب أولا قال فكالمجمع عليه لأنه يا أن قول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينيل vendredi, لكن pour montrer أن هذا القول il vaut rien, قال هو ساقط مردود. ساقط لأنه il est pas fondé sur العلم, مردود لماذا؟ لأنه il contredit un hadith clair du prophète عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه il a informé أنه il est né un lundi. فلا يجوز كنتخدير هذا القول. قال وروي عن أبي جعفر الباقر أنه توقف في ذلك وقال لا يعلم ذلك إلا الله, وإنما قال هذا لأنه لم يبلغه في ذلك ما يعتمد عليه فوقف في ذلك تورعا. فإن صح هذا عنه فهذا سيصير موقف في الحقيقة كندوا أفواه. إذا جهلنا المسألة أو ما بلغنا دليل في مسألة معينة فأنظر بهذا الموقف. حقيقة هذه سين فائدة pour chaque مؤمن خاصة طلبة العلم, أنه قال لا يعلم ذلك إلا الله, أي الله أعلم quand est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم يليني. ثم الحافظ ابن رجب قال وإنما قال هذا لأنه لم يبلغ بذلك ما يعتمد عليه. إذا هذا الموقف صحيح, إذا من العلم في الحقيقة. إذا تأملت الآن تكلم بعلم, لماذا؟ لأنه تكلم بمعلم الذي الله أعلم كنت تسكيلين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما بلغه الحديث. تستفيد من هذا دو فوائد. الأولى أن بعض العلماء بعض الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن باب أولى من جاء بعدهم ربما لا يتكلم في مسألة أو يخالف نظر المسألة. لماذا؟ لأنهم ما بلغه الدليل. Et ça, c'est une excuse importante pour l'A'imma. Alihada, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans sa risala Nafi'a, Raf'ul Malam, il a cité parmi les choses, les excuses que l'ulama ils ont quand ils ne trouvent pas la vérité dans une mas'ala, as-sawab, c'est hada. Imma, ma balaghum al-hadith, imma ils n'ont pas eu connaissance du hadith, imma ils se sont basés sur un hadith et ils n'ont pas eu la connaissance, à ce hadith il était faible. Hada, c'est très très important. حتى الإنسان لا يطعن في أهل العلم حتى الإنسان لا يتكبر عيدا بالله أو يخابس عالم من علماء السنة لأن العالم لا يفهم يعلم كثيرا ويجهل يجهل بعض المسائل لماذا؟ لأنه لا معصوم لا بكل شيء عليم celui qui sait tout c'est الله سبحانه وتعالى فهذا أولا وتستفيد من فائدة أنت أنك إذا ما علمت شيئا فلا تقدم لا تتكلم بلا علم tu sais pas, tu dis الله أعلم فتأمل هذا الموقف الطيب لا يعلم ذلك إلا الله لماذا؟ لأنه il savait pas, il pensait qu'il y avait pas de délil. كذلك تستفيد une troisième فائدة أنك si un savant il dit je ne sais pas الله أعلم أو يقول لا يعلم ذلك إلا الله أو يقول في المسألة يبقى الدليل يعني نطخ صعبون يمطخ الدليل فالواجب علينا سيدو بخوندر لقولو كي الدليل فمثلا نحن نحترم هذا الإمام أبو جعفر رحمه الله إن صح بيان سور هذا الأثر عنه ميم سي لي با صحيح سارست ان اكزومبل طيب بور سيت مسألة لكن اون بخون قول كي فوندي سور ان دليل اي اون تروف اون اكسكوز او صعبون بيان سور كي نا با دو دليل هذا هذه فوائد طيبة تستفيدها من هذا الكلام قال وأما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه أي أما الجمهور ففي إذا في أن دليل فقالوا وجزموا بذلك أي بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم إليني ألاند ثم قال وأما شهر ولادته صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه Donc il y a l'unanimité, il est né un lundi, alayhi salatu wassalam. Baqi a le mois, quel mois? Et c'est pour ça que Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, il a cité cette mas'ala, huna. Il y a un nabi, sallam, il est forcément né dans un mois de l'année. Al-Hafidh ibn Rajab, pour lui, il est né fi rabi' al-awwal. C'est pour ça qu'il a cité cette mas'ala dans ce chapitre, dans son livre. Qala faqad ikhtulifa fihi, faqil fi shahr Ramadan. روي عن عبد الله بن عمرو بإسناد لا يصح. ça c'est un قول ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى le mois de رمضان. هذا c'est ضعيف. وقيل في رجب كذلك. قال ولا يصح. c'est ضعيف. وقيل في ربيع الأول وهو المشهور بين الناس. c'est ça le قول qui est مشهور. أي qui est connu عند أكثر الناس الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né في ربيع الأول. قال حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق. بعض العلماء ils ont rapporté l'unanimité على هذا القول ولكنه قول جمهور العلماء نعم يا خلاف في هذا يا خلاف إلى cité بعض الأقوال لكن لا شك أن قول الجمهور الصحيح c'est que النبي صلى الله عليه وسلم il est né في ربيع الأول أي ce mois qui a débuté ثم اختلفوا في أي يوم كان من الشهر donc tu as trois choses tu as أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi ça c'est d'après l'unanimité Il y a des aqwal, mais qui contredisent l'unanimité, laquelle ces qawl sont basés sur rien, on n'en tient pas compte. Donc il y a shibh l'ittifaq. Ça, c'est la première mas'ala, le lundi. Deuxième mas'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né al-rabi' al-awwal, fi rabi' al-awwal. Ça, c'est qawl jumhur al-ulama, et c'est sahih. Troisième mas'ala, quel jour? Quel jour de rabi' al-awwal? Est-ce que c'est le 12? Est-ce que c'est le 9? Est-ce que c'est le 8? Tu auras une quatrième mas'ala l'année. En quelle année il est né alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Ça te fait quatre choses. Hatta la taltabis alayk hadhihi al-aqwal. Qala, thumma akhtalafu fi ay yawmin kana min ash-shahr wa minhum man qala huwa ghayru mu'ayyan wa innama wulida fi yawm al-ithnayn min rabi' al-awwal min ghayri ta'yin li'adad dhalika al-yawm min ash-shahr. Ba'd al-ulama ils ont dit on ne sait pas le jour. On sait qu'il est né un lundi Le mois de Rabi' al-Awwal. Amma le jour, oui, ta'yin, exactement, est-ce que c'est le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, Rabi' al-Awwal, fallahu a'lam. Qalu al-jumhur, على أنه يوم معين منه ثم اختلفوا. أما la plupart des savants, ils ont dit c'est un jour qu'on connaît, لكن اختلفوا. Certains ils ont dit c'est le 8, certains ils ont dit c'est le 9, certains ils ont dit c'est le 12, certains ils ont dit c'est autre. المهم il y a un خلاف كبير في هذا. قال رحمه الله والمشهور الذي عليه جمهور الجمهور أنه ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وهو قول ابن إسحاق رحمه الله وغيره. Il rapporte souvent قول ابن إسحاق dans ce genre de مسائل لأنه صاحب السيرة. C'est lui qui a écrit la célèbre biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. فكثير من العلماء يغبين أسي أقوال في هذا. قال في الحاشية في السيرة أي قول ابن إسحاق. على كل حال الله أعلم quel jour exactement il est né عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال أن المشهور كثير من أهل العلم ils ont choisi أنه il est né le 12. وبعض العلماء يخالفون في هذا والأمر سهل. لكن une فائدة عظيمة هنا أنك تستفيد من هذا الخلاف أن لو كان هذا اليوم si ce jour il y aurait une énorme importance de connaître التحديد التعيين exactement le jour on aurait eu إما أحاديث إما des أقوال de الصحابة رضي الله عنهم أي si ce jour il y aurait une عبادة خاصة به comme مثلا العيد un عيد أو الاحتفال به comme ils font بعض المبتدعة الضلال الجهال si ce jour il aurait une مزية il aurait quelque chose de خاص par rapport aux autres jours une عبادة فأنا aurait des أدلة الصحابة رضي الله عنهم on n'a pas de نقولات صحيحة كثيرة في هذا أنه لنيت الجوغ إلى آخره لماذا؟ لأن يبقى با إن عبادة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لنيت الجوغ إذن يبقى با إن عبادة في هذا الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا با ديمونتخي لجوغ إكزاكت تستفيد من هذا الخلاف ست مسألة عظيمة وإلا تأمل مثلا يوم عاشورة إذن عبادة خاصة به فالنبي صلى الله عليه وسلم إنه زامونتخي سيك الجوغ Il nous a montré que c'était le jour, l'Ashura, le 10 de Muharram, les Mada, les Anna Allah subhanahu wa ta'ala, Najja Musa, il nous a montré que Al-Afdal s'est déjeuné un jour avant pour Khalif al-Yahoud. Ta'amal, bien sûr, Eid al-Adha, l'Ashir min Zilhidja, Kazalik, Eid al-Fitr, le premier jour de Shawwal. Hadi l'Ayyam, al-Mubaraka, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien montré les Mada, les Anna, il y a une ibada khassa fi hadda al-Yawm. Donc il nous a légiféré une chose et il nous a montré exactement le temps. Amma mawliduhu alayhi salatu wassalam. Là, je sais que c'est une ni'ma pour al-muslimin et pour jami' al-nas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est une ni'ma azima en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé hadha an-nabi alayhi salatu wassalam et il a décrété que tel jour il sera né. Thumma, quelques années plus tard, il lui a envoyé Jibril pour lui révéler l'akhir, tout ça c'est une ni'ma pour al-mu'minin. Wa nashkur hadhi an-ni'ma. Amma prendre ce jour pour une ibada khassa, hadha kama sayati insha Allah ta'ala, il faut des preuves. C'est pour ça que aslan on peut pas être sûr et dire anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il est le 12 ou le 11 ou le 10. Wallahu a'lam bidhalik, il y a plusieurs aqwal et la shak anna al-qawl al-mashhur que beaucoup de savants ils ont choisi, c'est le 12. هذا خلاصة الكلام في هذا قال وأما عام ولادته donc dernière مسألة l'année donc on est sûr qu'il est né un lundi عليه الصلاة والسلام et كذلك القول الصحيح il est né ربيع الأول et il y a une énorme divergence le jour exact de ربيع الأول c'est un lundi c'est ربيع الأول mais lequel quel jour exactement أي من حيث العدد est-ce que c'est le 9, le 10, le 11, le 12 etc فهذا الله أعلم به et nous reste la dernière مسألة l'année قال فالأكثرون على أنه عام الفيل وممن قال ذلك قيس بن مخرمة وقباث بن أشيم وابن عباس وروي عنه أنه ولد يوم الفيل هذا في نظر on sait que c'est عام الفيل l'année ou que comme قال عز وجل لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل والقصة لكون أن أبرأ ظالم من الظلمة qui habitait à Sanaa c'est un yéménite et il voulait attaquer Mecca et son armée avait un énorme éléphant et quand ils sont arrivés proches de Mecca l'éléphant il a plus voulu avancer ثم الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل إلى آخره هذه هي القصة. النبي صلى الله عليه وسلم il est né cette année quand il y a eu l'attaque de Abraha et Allah subhanahu wa ta'ala أهلكه وقومه. النبي صلى الله عليه وسلم il est né cette année. قال وقيل إن هذه الرواية وهم. نعم, le fait de dire que c'est il est né le jour, ce jour exact quand Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié أصحاب الفيل, هذا c'est un وهم dans la رواية. أي الراوي لا بولو دير عام الفيل ست أني, أما لو جور مام فلا. قال إنما الصحيح أنه قال عام الفيل, ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك, ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد, وهذا سي القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إليني عام الفيل أي لاني وكيو قصة الفيل. قال والمشهور أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوما, والله أعلم هذا. على كل حال بعض العلماء نقلوا الإجماع, إمام سيبا الإجماع سيقول أكثر أهل العلم سي الصحيح كالنبي صلى الله عليه وسلم إليني ست أني كنت يولى التاك دو ليليفون, وبعض العلماء قالوا 50 جور أبخي 50 جور أبخي أبخي كالله سبحانه وتعالى إلي شاتي هؤلاء. التحديد هذا والله أعلم. Vous avez remarqué que, et ça c'est une faïda dans beaucoup de مسائل, أن quand tu n'as pas une عبادة كمتعلقة بمكان أو زمان, en général dans les adilas tu ne trouveras pas la précision. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'il a fait telle chose dans cet endroit, rien à l'endroit il n'est pas cité, il n'y a aucune importance pour ceux qui viendront après, ou le jour exact, combien de choses on ne sait pas quel jour exactement le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait ces choses. L'imam, il n'y a pas une importance. Quand il y a une importance pour nous, tu trouveras forcément un délit. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. Et si ça fait partie de ton din, فدينك il est كامل, tu auras forcément une notion citée, même في القرآن, même في السنة, une notion de temps ou d'endroit. هذا لا بد منه. Donc الفائدة من هذا أولا أن le jour on ne le sait pas exactement, on sait que c'est ربيع الأول, on sait que c'est un lundi, on sait que c'est عام الفيل, لكن بالتعيين quel jour exact في ربيع الأول quel lundi, فهذا الله أعلم به. ثم قال رحمه الله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت عليه فيه النبوة إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على عباده. هذا الحديث إذا تأملت, النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم الاثنين, اللي يندموندي عليه الصلاة والسلام عن الصيام يوم الاثنين, وقال عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه, c'est un jour, c'est ce jour où je suis né, أي النبي صلى الله عليه وسلم il est né à lundi. وبعض الناس فهموا من هذا الحديث أن هذا فيه, ce حديث فيه أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم on doit faire certaines choses, on doit faire certaines choses, on doit lui donner de l'importance plus que les autres choses, et ils ont conclu annahu sa'id. C'est pour ça que dans la plupart des endroits al-an كثير من المسلمين à cause de leur ignorance ou بعضهم à cause de leur passion et de leurs innovations عيادا بالله اتخذوا هذا اليوم عيدا, pour eux c'est devenu un عيد. بل بعضهم يفرح ربما بهذا العيد plus que في الأعياد المشروعة, عيد الأضحى وعيد الفطر عيادا بالله. لماذا؟ لأن البدع والشيطان زين لهم هذا الفعل عيادا بالله. والحافظ ابن رجب رحمه الله إلى كلام جميل في جامع العلوم والحكم, c'est un livre très très important, ينبغي العناية به, لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله كما تعلمون إلى مستوى عالي في العلم, سان إمام, il a expliqué les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiyya, fi hadha al-kitab. Il a rajouté 8 hadiths et ça a donné 50 hadiths et il les a expliqués fi hadha al-kitab, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ce livre, il est très très important. Limadha li'anna les hadiths qu'il a cité l'imam al-Nawawi, rahimahullah, c'est des qawa'id. C'est des règles fi l'islam. Même un hadith, c'est une règle. Falihadha, celui qui connaît ces hadiths par cœur et qui comprend ces hadiths, فمام المسألة أو la plupart des مسائل في الحقيقة, il aura un أصل, il aura une règle sur quoi se baser. مثلا هذه المسألة, est-ce que on doit fêter la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, am la, tu as un nas, tu as une qa'ida plutôt fi hadha al kitab al azim al arba'un an nawawiyya. Et al hafid ibn Rajab rahimahullah, il a expliqué fa fi ou عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قال رحمه الله فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة كل بدعة ضلالة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة والبدع من المحدثات كما جاء في الحديث donc et quelque chose de محدث c'est quelque chose d'inventé أي مثلا si on prend notre exemple de al-mawlid لماذا العلماء يقولون que c'est une bid'a لأن on est tous d'accord بل حتى الذين يقولون بمشروعيته on parle pas de al-suvaha al-juhal الى اخره qui comprennent pas le masail لا بعض من اهل العلم من قال بمشروعيته al-mawlid فيعترفون انه il était pas à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام لكن البعض قالوا c'est une bid'a حسنة الى اخره et tout ça c'est un qawl mardoud. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله. Ça englobe ma yastahsinu an-nas, que les gens ils pensent que c'est bien et ce qui est mauvais clairement. Tant que c'est une bid'a, il y a pas un asl. Fa c'est interdit dans notre din. قال وسواء ذلك او سواء في ذلك المسائل في الاعتقاد او الاعمال او الاقوال الظاهره والباطنه. Tu as une règle. Chaque qawl, chaque parole, chaque acte, chaque œuvre, que ça soit apparent caché, les œuvres du cœur ou les œuvres des membres, les paroles, si tu n'as pas un délil dans le Coran ou dans la Sunna ou min ijma' as-sahaba radiyallahu anhum, ihdhar. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. هذا c'est un asl navis et en fait celui qui l'a compris, ça va lui ouvrir beaucoup de abwab. ولا تلتفت إلى من قال أن هذا سبور البدع السيئة فقط لأن البعض يقولون أن من البدع ما هو حسن البدعة الحسنة إلى آخره tout ça on a déjà détaillé dans l'explication de l'Arba'in Nawawiya et dans d'autres livres tout ça c'est باطل كما بينا الإمام الشاطبي في الاعتصام celui qui veut comprendre هذه المسألة أي la gravité de البدعة et الردود على من قالوا أن هي بدعة حسنة et tout ce qui est lié au بدع فليراجع الكتاب النافع الاعتصام الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله c'est la référence في هذا الباب فهذا أولا ثانيا si on revient à ce hadith ذاك يوم ولدت فيه vous avez remarqué que le بعض vu que dans ce hadith c'est cité la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام ils ont compris que c'est bien de fêter sa naissance بالله عليكم أين في الحديث le rapport entre sa naissance et le fait de la fêter خاصة أن البعض توسعوا أنهم يفتوا sa naissance عيدا بالله avec des innovations avec du haram ils se mélangent بعضهم يدانسوا avec de la musique ثم يقولون c'est la fête du prophète عليه الصلاة والسلام هذا c'est من التشبه بالنصارى كما بين بعض أهل العلم منهم العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه il a montré que هذا c'est من التشبه بالنصارى Comme les Nasara, ils ont fêté la naissance de Isa, wa kadabu alayhi, annahu il est né tel jour le 25 décembre. Tout ça, c'est du kadhib. Ils ont aucun burhan ala hada. Et c'est devenu une fête, fil haqiqa, pour faire rentrer de l'argent, faqat. Et tu trouves, بعض al-juhal, hatta min al-muslimin, yahtafilun bi hada al-yawm. Ils fêtent Noël, ayyadan billah. Tu trouves, بعض al-juhal min al-muslimin, كأنهم eux aussi, ils ont voulu fêter la naissance de leur prophète, et ils ont inventé cette bid'a, ayyadan billah. فالحذر ومن أحسن من رد على هذه البدعة من أحسن الكتب في هذا كتاب الرد الفوري للعلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه سين رسالة نفيسة جدا خاصة لدغني أبواب في رد الشبهات إلى ستي رحمة الله عليه dans son livre هذا الحديث il a montré أن البعض Ils ont pensé que c'était un dalil pour fêter la naissance du prophète alayhi salatu wa salam et il a répondu en plusieurs points qu'on peut résumer huna. Qala rahmatullah alayhi on cite son kalam bi-ikhtisar sous forme de points. Fa mimma qalahu rahimahullah lam yakun sallallahu alayhi wa sallam yakhuss yawm al-thani ashar bis-siyam. Est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم يجنى لأن البعض peuvent dire لكن si النبي صلى الله عليه وسلم يجنى c'est qu'il lui a donné de l'importance. Est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم يجنى le jour de sa naissance? Là. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi de Rabi' al-Awwal alors que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de jeûner 4 lundis. Ça nous montre que le fait de jeûner lundi c'est pas une référence à sa naissance. Abadan. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a, quand ils lui ont demandé le lundi, il a informé Annahu, c'est le jour où il est né. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner le jour où il est né, là. Ou là, on n'aurait jeûné que le jour de sa naissance. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que c'est bien de jeûner le lundi. Hada awwalan. Thaniyan, qad raghaba sallallahu alayhi wa sallam fi siyam yawm al-ithnayn min kulli usbu' kama raghaba fi siyam yawm al-khamis wa yawm arafa wa yawm ashur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'il n'a pas spécifié le jour de sa naissance avec le Seigneur, il a conseillé 4 lundis par mois, كذلك les jeudis, كذلك يوم عرفة, كذلك عاشوراء, إلى آخره. ثالثا, النبي صلى الله عليه وسلم علل صيامه ليوم الاثنين والخميس, علل, et il a démontré pourquoi c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi. يوم الاثنين ويوم الخميس بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى وأنه يحب أن يعرض عمله وهو الصائم. Ça, ça nous montre pourquoi le Nabi صلى الله عليه وسلم il nous a légiféré, il nous a conseillé de jeûner le lundi et le jeudi. لأن le lundi et le jeudi c'est les deux jours où nos œuvres تعرض على الله, elles sont présentées à Allah سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه il aimait ce jour-ci, ce jour où les œuvres elles sont présentées, être en état de jeûne. C'est pour ça que c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi. Donc ça, ça nous montre qu'il n'y a aucun lien avec le fait de fêter la naissance. قال وقد جاء ذلك في حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني وعن أسامة بن زيد. Et ce hadith أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي et d'autres الإمام الألباني رحمه الله حسنه. نعم. فانتهى كلام الشيخ تويجري رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله إلى كلام جميل أن السيد غفلشي الآن قال أكثر الناس يفون الصيام de sa naissance أو يفون des معاصي en se mélangeant, en chantant, بعضهم يرسل des poésies فيها الشرك des بدع. أكثر الناس بل tous هؤلاء qui font le maulid en général ils font pas الصيام. Ils seraient صادق ف malgré leur mauvaise compréhension du hadith, ils auraient dit, vu que pour eux, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal, on n'a pas besoin de fêter, de danser, de chanter, toutes ces choses haram, on jeûne. Ils ne font pas hada. Ça montre, hada c'est hal ahl al-Ahwa. Annahum fil haqiqa, ils ont pris de ce hadith, ils ont délaissé la question. La question c'est quoi? Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm al-ithnayn. Ils ont délaissé hada. Ils ont délaissé le reste du hadith. وأنزلت عليها فيه النبوة. النبوة c'est quoi? C'est la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et on doit le suivre. لماذا? لأنه c'est un prophète. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا. Ils ont délaissé tout cela et ils ont pris فقط ولدت به. C'est le jour de ma naissance. Et ils ont dit on a un délil. On a un délil et ils ont inventé leur bid'a. Alors que ça n'a rien à voir. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé qu'il est né le lundi. فقط. فنحن on dit النبي صلى الله عليه وسلم il est né le lundi. أما fêter ce jour. فصا سبعيد فلهذا قال العلامة الفاكهاني رحمه الله المالكي إلى أن يفق كذلك طيب من رسالة المورد في عمل المولد قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله ولا في لا في كتاب ولا في السنة ولا ينقل عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون. Et ceux qui ont inventé cette bid'a comme a taqaddam ma'ana, ceux qui avaient assisté au dars sur هذه البدعة بدعة المولد c'est الفاطميون. زورا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنهم رضي الله عنها c'est des كذابون. وهم العبيديون. C'est des روافض. والله هؤلاء كما بينا شيخ الإسلام ils étaient أكفر من اليهود والنصارى. Et ils ont réussi à prendre al-hukm en Égypte et Misr et ils ont inventé cette bid'a et elle s'est propagée partout. تأمل قوله رحمة الله عليه لا أعلم لهذا المولد أصلا يا aucun أصل dans le Coran tu trouveras jamais un délit dans le Sunna la seule chose qu'ils ont pris c'est ce hadith ذلك يوم ولدت فيه et ça n'a rien à voir avec le sujet et le reste c'est le hawa فلهذا قال ولا ينقل عن أحد من علماء الأمة pourquoi Abu Bakr رضي الله عنه il n'a pas fêté هذا اليوم alors que Abu Bakr رضي الله عنه pendant la vie du prophète sallam, ils n'ont jamais fêté. On va dire, après la mort du prophète sallam, il a vécu deux ans, un peu plus de deux ans. L'imada, il aurait pu le fêter deux fois. L'imada, il ne l'a pas fait. L'imada, à l'époque du prophète sallam, depuis qu'il a reçu la révélation, si on compte après la révélation, quand il y avait At-Tashri, la révélation, elle descendait. L'imada, il ne l'a pas fêté. Il a reçu la révélation pendant plus de 20 ans. Il aurait pu fêter son anniversaire plus de 20 fois. L'imada, sa fille, elle ne l'a pas fêté. L'imada, Omar après Uthman Ali radiyallahu anhum ils l'ont pas fêté. Limada l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i ila akhiri ils l'ont pas fêté. Limada? Limada l'imam al-Bukhari l'a pas fêté. Limada il l'a pas cité dans le Sahih. L'insan la bud an yufakkir et revient à ahl al-ilm. Wa illa n'importe quel bid'a yadan billah son cœur il va l'accepter. Al-nas l'ayn ils ont une choubha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on aime le prophète alayhi salatu salam. On aime le prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam, et il est où le mal? Qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dhalal. Kullu bid'atin, ça veut dire quoi? Chaque invention, chaque innovation fi din, c'est minat dhalal, c'est de l'égarement. Il est là le mal. C'est un mal azim. C'est un mal. Limada, liana, vous faites une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Ça veut dire que, imma, vous connaissiez une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ignorait, imma, vous avez montré une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas montré. Iyadam billah, c'est très très grave. Al-bid'a. Et nahnu naqulu lahum, limada, si vous aimez vraiment le prophète sallam et haoula, on ne dit pas qu'ils n'aiment pas le prophète sallam. Kathir minhum, ils aiment le prophète sallam, c'est des musulmans. Lakin l'ignorance. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et on aime son prophète sallam, on doit le suivre. Ça serait un bien de fêter sa naissance, le Nabi sallam, il nous l'aurait montré. On n'a pas besoin de hada. Et la preuve que c'est un mal. Annahum au début, ils ont fêté sa naissance en faisant certaines choses. De nos jours, qu'est-ce qu'ils font? لو تقرأ أو تنظر تشاهد ما يفعله الصوفية dans leurs مراكز dans leurs مساجد dans certains endroits خاص بهم والله تتعجب du كفر واضح أنهم يدمنوا بروفيت عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ça c'est du كفر النبي صلى الله عليه وسلم c'est une créature on n'a pas le droit de lui demander عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون النبي عليه الصلاة والسلام il est mort et ça nous montre الحكمة لماذا الشرع سافر لي بورتا هذا الغلو فتي لي نيسانس ميم لا نيسانس دو ميور دو ميور اتر هومان اون ا با دووا لماذا لان الناس ساوفر دي بورت دو شرع في الحقيقه سا سيغ ريان المؤمن في الحقيقه سيلو كي ام فريمون النبي صلى الله عليه وسلم اي بونس ا لوي تو لي جور اي ليساي دو لو سويف تو لي جور اي سوي سا سنه اي في افيك او كوتيديان اما فتي سا نيسانس اون فوا دون لاني لو ريست دو لاني نعوذ بالله يا هؤلاء من سجور لا في الحقيقة ما هم حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله كما قال رحمه الله on a pas fini son كلام احتدها البطالون وشهوة نفس ونعم وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون الأكالون زي صيغة مبالغة من الأكال أو الأكل celui qui mange في الحقيقة هؤلاء sont حول بطونهم ça fait rentrer de l'argent kadalik bardoum ils se rassemblent pour manger pour faire la fête bardoum ayadam billah robama ça pousse à plus loin à cause de la mixité ila akhir ça c'est min tariq ahl ash-shahawat amma ahl as-sunnah ceux qui s'accrochent à la routine ils ont pas besoin de hada et ils suivent le nabi sallallahu alayhi wa sallam hada ma yata'allaq bi hadhihi al-bid'a et al-hafid ibn rajab rahimahullah il a pas cité hada il a cité faqat sa naissance fa c'est pour ça que من المناسب هنا c'était de faire ce tambih ne pas croire que quand le ulama cite sa naissance dans les livres de biographie c'est pour que tu l'as fait c'est pour ça que dans les livres de biographie a'immat as-sunna que ce soit ibn ishaq ou autre et les savants d'aujourd'hui ou dans ce livre al-imam an-rajab ou zad al-ma'ad de l'imam al-qayyim il cite sa naissance et aucun de ces imams il dit qu'il faut la fêter abadan bal kathir minhum yumatun garam hada wallahu a'lam deuxième point Et Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, après avoir cité le hadith sur le fait de jeûner le lundi, il a cité le hadith, il a été rapporté à Aïcha, à Abi Huraira, à Usama et d'autres, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إنهما يومان أي لاندي الجودي تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث هذا إلى الصحيح. هذا pour montrer pourquoi on jeûne le lundi et le jeudi et que ça n'a rien à voir avec la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا le premier point. المجلس الثاني. أما الأول c'était كذلك sur la naissance. On a اختصر les deux مجالس. بقي الأخير في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أي sur la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح. سيأتي معنا كذلك حجة قوية pour répondre à ceux qui fêtent la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. لأن من حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم il est mort في ربيع الأول كذلك. Il est né في ربيع الأول et il est décédé عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول. خرج في الصحيحين خرج أي الإمام بخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا أي أبو بكر رضي الله عنه أساس من فضائله ومن فقهه وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه quand il a entendu هذا الحديث cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم إن عبدا أي un serviteur parmi les serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى خيره الله أي الله lui a donné le choix بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا إما il lui ouvre les portes de الدنيا il lui donne الدنيا قال وإما قال من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده وإما il lui a donné le choix de prendre ce qui est indallah subhanahu wa ta'ala et de mourir et de profiter fil akhira. Abu Bakr radiyallahu anhu directement il a compris que هذا العبد c'était le prophète alayhi salatu wasalam qu'il allait bientôt mourir. فلهذا قال الحافظ فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اي اراوي الحديث اراوي الحديث نعم كانه كلام أبو سعيد رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا ولو كان نعم أو قال لو كان أخوة ولكن أخوة الإسلام ولا تبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه على كل حال ça c'est pour montrer فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على غيره il a compris directement que c'était le prophète عليه الصلاة والسلام qui allait bientôt mourir. قال ابن رجب رحمه الله اعلم أن الموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيرهم إلى آخره ثم إلى سيدة قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون إلى فصل قليلا pour montrer que النبي صلى الله عليه وسلم c'est un être humain ça nous montre une فائدة عظيمة أنه لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كم يفون هؤلاء البطالون في احتفال المولد بعضهم ils invoquent النبي صلى الله عليه وسلم ils lui demandent بعضهم ils ont la croyance أن le jour du مولد النبي صلى الله عليه وسلم ils rejoignent leurs assises pour ça ils mettent des draps blancs et ils attendent عيادا بالله والشيطان يضحك على هؤلاء بعضهم il lui demande clairement vu que c'est le jour de sa naissance il demande au prophète عليه الصلاة والسلام وهذا c'est du shirk وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الدعاء العبادة l'adoration l'invocation demander c'est que pour Allah سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم il est mort on n'a pas le droit de lui demander ثم قال رحمه الله نختصر لأن الوقت ذهب قال وأول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح quand cette سورة elle a été révélée au prophète صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة c'est un إخبار من الله سبحانه وتعالى وبخفت عليه الصلاة والسلام أنه إلى لبينته مغير. فلهذا ابن عباس رضي الله عنهما إلى فسر الآية بموت النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال ذلك علامة موته. أي quand les gens ils vont rentrer في دين الله عز وجل أفواجا et en groupe, en grand nombre, فالله سبحانه وتعالى إلى لبينته reprendre l'âme du prophète عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر. Le prophète عليه الصلاة والسلام il est tombé malade à la fin de Safar. Et Safar c'est le mois qu'on vient de terminer juste avant Rabi' al-Awwal. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم à la fin du mois de Safar il est tombé malade. وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور. بعض العلماء ils disent il est tombé malade à la fin de Safar et pendant 13 jours il est resté malade. ثم il est mort. Donc il est mort le début du mois de Rabi' al-Awwal. وقيل 14 يوما واختلفوا في هذا كثيرا. ثم قال: ولم يقبض عليه الصلاة والسلام حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، أي هذا قول عائشة رضي الله عنها، غشي عليه ساعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم avant de mourir il était allongé sur les genoux de عائشة رضي الله عنها، أي sa tête sur les genoux de عائشة رضي الله عنها. ثم غشي عليه، أي perdait connaissance عليه الصلاة والسلام. ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. أي النبي صلى الله عليه وسلم à un moment donné il s'est réveillé et il a regardé en direction du ciel et قال اللهم الرفيق الأعلى. Ça montre أنه خير، أي on lui a donné le choix une deuxième fois et il a choisi الرفيق الأعلى، أي عند الله سبحانه وتعالى، أي الآخرة. فقلت، أو هذا لكلام إلى الطويل، نكتفي بهذا. ثم قال الحافظ رحمه الله: واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. ثم العلماء اختلفوا quand est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم توفي. On sait الآن qu'il est tombé malade à la fin du mois de Safar. On sait que sa mort c'est في ربيع الأول. لكن بقي التعيين le jour exact. قال: فقيل كان أوله وقيل ثاني وقيل ثاني عشره. أي بعضهم ils ont dit le premier, بعضهم ils ont dit le deuxième du mois de ربيع الأول, بعضهم ils ont dit le 12 comme le jour de sa naissance. وقيل ثالث عشر, certains ont dit le 13 et d'autres أقوال. والمشهور بين الناس أنه كان ثاني عشر ربيع الأول. صحيح أن المشهور عند الناس c'est le 12 comme le jour de sa naissance. فلهذا قال بعض العلماء, et on peut citer قول العلامة ابن الحاج الفاسي المالكي رحمه الله, هنا كتاب طيب المدخل من علماء المغرب, il faisait partie de أئمة المالكية. Et il était قوي بهذا الباب. كان يرد كثيرا على الصوفية et leur bida. Et il a un livre, il est connu, المدخل. قال فيه العجب العجيب, أي ce qui est étonnant, كيف يعملون المولد بالأغاني والفرح والسرور كما تقدم, وفي هذا الشهر الكريم وهو صلى الله عليه وسلم فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل. أنه يرد عليهم يدي أنكم فتي المولد لدوز درابيع الأول. قد جاءت رواية أو يعني قول كي montre que النبي صلى الله عليه وسلم il est mort dans cette période. فبوركوا فتي passer la joie, الفرح, le fait de manger, كأنه سيئن وليمة, كأنه سيئن سعيد, alors qu'il y a un qawl qui montre qu'il est mort cette période. لماذا là vous ne faites pas passer avant la tristesse? Là, si on fonctionne avec la raison, les annahoum ils fonctionnent avec la raison. Ils ont dit quoi? Vu qu'il est né, c'est une ni'ma, c'est bien de se rappeler, il a akhiré. Fanahl, on leur dit, vu que c'est thabit qu'il est mort kadalik dans cette période, falimada, vous n'êtes pas triste, il a akhiré. Ça montre qu'anna fil haqiqa, ce mois, que ce soit le 12 ou autre, on n'a pas à être content plus que d'habitude, on n'a pas à être triste plus que d'habitude. Il n'y a aucun délil à la hada. Là, je sais qu'un mot de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une musiba, ça a de musiba comme ça y a-t-il. Là, qu'il y a un jour spécifique et se rendre triste comme ils font al-Rawafid bi sabab qatl al-Hussein radiyallahu an, ou al-Farah bi mawlid Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme ils font Sofia wa man salaka maslakahum, tout ça c'est min al-bida'. Celui qui aime vraiment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le suit. Celui qui est vraiment triste de la mort du prophète alayhi salatu wasalam, il profite de sa sunna et il fait tout pour faire partie de ceux qui seront avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. عند الحوض يوم القيامة رجوان للبروفة صلى الله عليه وسلم عند الحوض كما قال أنس رضي الله عنه إلى دماد البروفة صلى الله عليه وسلم أين ألقاك يا رسول الله انظروا الهمة et celui qui aime vraiment النبي صلى الله عليه وسلم il se pose la question où est-ce que je vais te rejoindre يا رسول الله يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré ثم قال عند الحوض tu me trouves pas في هذا المكان في هذا المكان عند الحوض et نحن كذلك on doit faire des efforts. Et ceux qui rejoindront Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est الَّذِينَ مَا بَدَّلُوا وَمَا غَيَّرُوا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَ repousseront certaines personnes comme on a détaillé au Allah al-Hamd dans nos doros sur les étapes de l'au-delà. C'est qui sera repoussé? C'est عِيَّدًا بِاللَّهِ أَهْلُ الزَّيْرُ وَالضَّلَالُ وَالْبِدَعُ qui ont inventé, changé après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu espères et tu aimes vraiment Al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, fais tout pour suivre sa sunna et te laisse هذه الخرافات. قال On finit la parole d'Ibn al-Had, rahimahullah. وَهَذَا قَالَ وَهُوَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فِيهِ انْتَقَلَ إِلَى كَرَامَةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفُجِعَتَ الْأُمَّةِ وَأُصِيبَتْ لِمَصَابٍ عَظِيمٍ لَا يَعْدِدُ ذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْمَصَابِ أَبَدًا صحيح. C'est une مصيبة عظيمة à la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. لكن est-ce que ça va impliquer qu'on va inventer des choses في دين الله عز وجل؟ أبداً. فهذا سنرد قوي pour montrer à Aoula l'imada vous avez pris un côté et sa naissance et vous délaissez sa mort l'imada ça montre le hawa mais celui qui applique vraiment les hadiths il ne se contredit pas, il sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort ce mois, il sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est né ce mois et alhamdoulilah il fait tout pour suivre Nabi alayhi sallam. Vous avez remarqué que notre din il n'est pas fondé sur les anniversaires, que ce soit les naissances ou les morts ou les anniversaires de mariage, ça n'existe pas dans notre dîn. Tout ça c'est min al-kufa. Notre dîn il est fondé sur l'amal. Maintenant, واحد il fête la naissance du prophète sallam et il est content, il a arrêté. ثم يشرك بالله. Est-ce que هذا ça va lui être utile? ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة elle est haram pour celui qui invoque le Nabi sallam min dun illah qui fait du shirk. فأين الفائدة? Notre dîn il est fondé sur l'aqida sahiha. Sur l'a'mal, les bonnes actions, la bonne croyance, les bons comportements. Notre dîn est fondé sur l'amr bil ma'ruf, nahi anil munkar. Notre dîn est fondé sur l'ilm. Al khurafat, fêter des choses. En réalité, il n'y a aucune utilité. Fana'oudou billah. Na'oudou billah min al-inhirab. Thumma qala rahimahullah. Et on finit bihada. Wa lamma tuwfiya ittarab al muslimoun. Faminhum man duhisha fakhulita. Wa minhum man uq'ida falam yutiq al-qiyam. Sahih. أن في هذا اليوم quand ils ont appris la mort du prophète عليه الصلاة والسلام c'était très très difficile pour eux. تأمل أنت لو ton cheikh il meurt et tu as l'habitude de t'asseoir avec lui et donne des fawaïd et la akhirah, ça fait un vide énorme, ça fait un énorme vide. Ou on prend un exemple plus simple ou que tout le monde vit, ton père ou ta mère ou un de tes enfants, ça fait un vide énorme. Anahum, c'était très difficile pour eux, khasatan au départ. Ils avaient l'habitude de le voir tous les jours, comme une nasa'ih, la révélation elle descendait. Du jour au lendemain, tout ça c'est fini. An-Nabi sallallahu alayhi il est plus là, ils vont l'enterrer, et Jibril il redescendra plus. An-Nabi sallallahu alayhi il est plus là, il n'y a plus de rasoul, il n'y a plus de nabi. Et kadhalik, al-Madina, ça ne sera plus la même pour eux. Alayhim ridwanullah. Qala wa kan min ha'ula Umar, wa balaga al-khabar Abu Bakr. فأقبل مسرعا حتى دخل بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا فكشف عن وجهه الثوب وأكب عليه. نعم أبو بكر رضي الله عنه il est rentré chez sa fille. لماذا؟ لأن le prophète عليه الصلاة والسلام il est mort chez عائشة رضي الله عنها. ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس. أبو بكر il est rentré في المسجد et عمر il parlait aux gens وهم مجتمعون عليه. Ils étaient tous autour de عمر. فتكلم أبو بكر وتشهد وحمد الله فأقبل الناس إليه وترك عمر. Quand Abu Bakr il a commencé à parler, les gens ils se sont tous dirigés vers Abu Bakr. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. انظروا الثبات في هذا الحال. أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم tellement qu'ils étaient tristes Ils avaient du mal à concevoir Naomi. Ils ne pourront plus voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam maintenant où il n'est plus là. Murubbama, il n'est que malade, il va se réveiller, il a akhiré. Abu Bakr, radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, thabbata fi hadha al-hal. Et il a pris cette position, il a pris la parole, et tout le monde est revenu à hadha al-qawl. Et alhamdulillah, ils ont enterré al-Nabi alayhi salatu wassalam. Qala fastayqana al-nas. كلهم بموته وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل. Ça, ça montre l'importance de dhikra, خاصة عند المصيبة أو شدة الفرح أو الغضب أو الحزن. الإنسان il oublie beaucoup de choses. Probablement un verset clair, un hadith clair qui connaît, qui peut rester tous les jours, ce jour-là il l'oublie complètement. ففي هذا الحال rappelle à ton frère. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فالناس après cela quand ils ont entendu le verset alors qu'ils le connaissaient, le verset il avait déjà été révélé, فكأنهم c'était la première fois qu'ils entendaient le verset alors qu'ils le connaissaient. وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر فتلقاها الناس منه فما يسمع أحد إلا يتلوها. ثم قال الحافظ ابن رجب وكل المصائب تهون عند هذه المصيبة. صحيح مصيبة عظيمة. C'est pour ça que Abu Huraira, radiyallahu anhu, il pleurait via hadha al-hal, et ils lui ont demandé pourquoi, et il a démontré, il savait quoi, et ils savaient tous, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il allait mourir, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Il savait très bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un être humain, il allait mourir. Lakin quand ils ont demandé à Abu Huraira, radiyallahu anhu, il les a informés, anna al-wahy inqata. Ils ont compris, déjà qu'ils aimaient beaucoup, et ils aimaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les êtres humains, plus que eux-mêmes. Et deuxième chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Lakin fil haqiqa, c'est pas un être humain comme les autres, c'est un Nabi. Il a quelque chose en plus. Et ils ont compris que bima utihi, il allait plus avoir de wahi. Le Coran, il allait plus être révélé, que c'était fini. Anta ahyanan, si on revient à l'exemple du ilm, du Coran, si le dars, il s'arrête, khasatan, دروس المشايخ والعلماء ربما يفين بلو لأنه إلي بارتو حجة أو إلي مالاد أو إلي مور أو أنت تو بو بلو أسيستي فتحزن celui qui aime le علم تحزن كثيرا tu sais que tu pourras plus assister aux assises et l'akhir ثم avec le temps الحمد لله فما بالوك les assises du prophète عليه الصلاة والسلام كم من نصائح كم من إكرام كم من رفق فلهذا ils étaient très très tristes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع هؤلاء. والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا et on passe au درس suivant. فهذا ما يتعلق بربيع الأول. ces deux points, la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم et la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال, il faut bien comprendre que ce livre c'est comme un livre de sirah. الآن ce chapitre c'est comme une biographie. Il a cité que dans ce mois le prophète صلى الله عليه وسلم il est né et il est mort. فعلى cité et il a montré les hadiths في هذا. تستفيد من هذا أن لفت de citer la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم, il n'y a aucun حكم pour toi à une adoration spécifique à faire ou un dua spécifique à dire ou fêter مثلا sa naissance ou être triste, faire des choses spécifiques pour sa mort. لا شك c'est une musibah, لكن il n'y a pas une ibadah خاصة في هذا. فتأمل هذا, c'est très très important أخي الكريم. وحذر من المبطلين في هذا الباب, فإيسون كثير.